星期天。 Au clair de la lune, mon ami Pierrot m'a prêté sa plume. Ouais, moi je redescends plus. Et je sais que ces fils de teint voudraient me ressembler. On a la frappe qui s'effrite comme le sable. Dans la schneck, dans le cul, je ne sais plus. Je ne sais plus, ouais, je ne sais plus. Mais je la sais plat et elle me supplie. Ouais, les yeux rouges comme les semelles des Christians. Je finirai trahi comme le Christ. C'est enfin soirée qu'on s'incrustait. On a volé, tu crois qu'on va rester? C'est la fin des haricots du maïs. C'est la crise économique dans le pays. Penny, Cali, pas la place du Cali. Je serais convaincant, t'es pas naïf. Tell me hookah, tell me hookah, tell me hookah, bébé. Tell me hookah, on fume le nougat, les poulets nous guettent. Grenade dans la part, ça se termine en nuggets. Ramène tes copines, ramène des clopes. Ramène tes copines, ramène des clopes. Nous, grosse bouteille dans le club. Toi, tu n'es qu'un OLED qui commente les clips. C'est du cash, bras, te retourne, hop, la rue d'or, hop. C'est du cash, bras, te retourne, hop, la rue d'or, hop. C'est du cash, bras, te retourne, hop, la rue d'or, hop. Les confiances sont étalées, ton gagne, méfie pas du faible qui a peur. Ta raison de dos peut qu'on m'apporte, je suis pour mieux défoncer ta porte. On a de la substance sur mon tablier. Devant les porcs, on sait que nier. T'as lutté quand tu t'es réuni. Non, c'est pas contre toi, ma beauté. Attends, quand tu suis, n'est pas tes dents. Le crime fait donc je suis dedans. Ta bille crave, crave, crave. Si t'es pas content, déménage. Il a grippé son sein comme un joujou prêt à pull up, pull up, le rinté d'en face. T'as de bisous, donne-moi tes fesses. Ok, à t'asseoir et je débarque bloqué. Ma bouteille va finir sur ta teuté. On fait du chiffre, on fait des envieux. Beaucoup de mal à compter tout ce qui quitte. La sacoche est remplie depuis midi. On me comme sa gueule quand on bip partout. Elle fait moi la maligne quand je lui mets son cou. Nouvelle collection italienne. Ça blesse, blesse, blesse, blesse, blesse. C'est du cash, brasse, te retourne, hop, la rue d'or, hop. C'est du cash, brasse, te retourne, hop, la rue d'or, hop. C'est du cash, brasse, te retourne, hop, la rue d'or, hop. Ok, chargeur, grande capacité. Des talbins de l'oseille, pas mais la santé. Ces drogues ne s'arrêtent pas donc j'en refais. Je tiens plus debout, mais j'en remets. Reste avec moi, le reste, on les fuck. Capitaine, coupe pour moi s'il te plaît. Elle m'a juste sucé, pourquoi tu plains? Les petits donnent tous leurs sentiments sur le terrain. Mes cauchemars ont ligoté mes rêves. Le plus cloqué remporte la guerre. Comme Chiro, je suis venu prendre les rênes. Revendeur de mort en sachet. Le corps de ta femme s'achète. Ça te pull-up, ça t'arrache ta chaîne. Y'a que devant toi qu'elle fait la sainte. On mangera jamais dans la même assiette. À l'odeur du parfum, elle écarte. À l'odeur du parfum, elle écarte. À force de donner dans mon hoodie et laisser mon ADN. À force de voir grimper, brasser, compter, tu fais tes pédales, on prit la L. Ton avis, tes envies, tes devis, tes caprices, passons après ma transaction. Track 7, Toshi, gros gamme sans permis, je me permets. Par balle, gilet, Uzi, bang, bang. J'ai mes grains d'assortie à mon flingue. Maman ne sait pas ce que je vis. Papa ne sait pas si je suis en vie. Bang, bang, bang, bang, bang. Leto, 17. C'est 10 grammes calé dans le tigre. 10 grammes calé dans le tigre. 10 grammes calé dans le tigre. J'ai 10 grammes calé dans le jean, 10 grammes calé dans le jean. Je les écoute, mais c'est dégueulasse comme à la cantine. Je partis à elle que ça remplit, je partis à elle que ça remplit. Impossible de finir à plat, MLM industrie c'est l'empire. On récupère comme à Kelele, sous pilon même pas réveillé. En dictateur je vais régner, et on tuera ceux qui veulent le nier. 6h01 dans ton lit, on veut te soulever comme un policier. Alcool brun dans la vessie, côté passager je suis alcoolisé. Pas de balle traîne dans la bande, pas de balle traîne dans la bande. Elle m'a vu bouger dans le bucli, elle mouille et lui il bande. Trafic organisé, ça sent la CR. Le big graveur est dans la sécu, sur la route du succès, je suis en CRF. Photo c'est trop, j'ai les photos couleur citron. Bébé veut le biberon et le big boss veut les litrons. On s'est affirmé, on n'a pas faibli, pas faibli. On n'a pas flippé quand on est réti. Il a dit ton flingue à faire les cartouches. Parce que je prends le rinté d'en face. Plus de respect, représailles, bénéfices. Y'a que pour faire du genre à combat si vite. La vie se termine d'une pas tragique. Ton visage, tes caprices, mon goût, tes principes. Papa fait le mort comme maman fait la guerre. Fini ma taille donc enlève tes affaires. Le mal remonte à la surface. Quand c'est bien qu'on entasse, mon canon vote à passe. Des lots qui dans le coco, tes copains des blocos. Ton corps finit dans une impasse. Toujours hâte dans le prochain épisode. Elle t'a mis elle et tous mes draps. Écoute la mélodie de mon globe. Capitaine Cook, tu t'en souviendras. Ouais, ouais, ouais, ouais. La boîte est séquentielle. Ouais, la boîte est séquentielle. La boîte est séquentielle, la pute c'est que si le chlass est aiguisé, la bite est circoncis. Demande à causer, ces négros sont avachis, grave en chien. Me veulent porter du Givenchy, j'ai trop la flemme de répondre à tes questions. J'ai trop la flemme de répondre à tes questions. Ce, lui qui va trouver STSTO, aura le visage en sang dans l'autopsie. T'arrêtes de mettre mes mains dans la suppo, c'est que j'ai des milliers d'euros grâce au studio. Y'a de 50 sous élastique, parking du tabac, je parle avec Chico. Ça dormir au check, se réveiller la maniana à Mexico. Tu sens mon seum quand je regarde le physio. Les grands joueurs marquent dans les classicos. Les PRC revoient tes classiques, hein. Tu puis du cul, tu puis des Massoko. Le 3, 5, 7, je ramasse tes culs. Je tire, tu meurs en mystique. Congolais dans la ville comme Mimisiku. Ouais, comme Mimisiku sur la défensive comme Mamadou Sakho. Donc j'ai besoin de Mamadou Sirosoko. On ravitaille les schlags. Rien n'a changé depuis le 1er juin, à part que mon blaze tourne du 51 jusqu'au 3-1. Pas d'intérêt, j'en ai rien à tirer. J'ai mélangé la vodka aux couilles de taureau. Casque, arraille, dernier X, Max, je m'arrache avec les tireurs. Ok, bang. Attends pas quoi. Bang. L'homme s'appelle Nino. On fait bien. Bang. Le 21 octobre. Bang. Dans les bacs. Capitaine. Ouais. Écoute. Frère du 17, tranquille. Certains ont perdu la raison à la vue de ton corps, ouais. À la vue de mon arme. Calme-toi, j'ai pas réussi. Je cherche le livre de vie. Jump, t'es pas des nôtres, j'utilise mon gun. Ça fait un bail que t'es banni du soir. Les sabbatans nous débarquent chez Watt. Fake. Du coup, ton micro est coulé. Tout est volé, fini, troué. Le cri t'emmène au pouvoir est culté. J'suis dans le même de ce que tu sais. À l'hôtel, au moins, du coup, je l'y mets. Le même quotidien dans mon quartier. Toujours aussi obscur et mon côté. Je vais bientôt te faire recommencer. On vit, on gire, rien que t'avais tué les copes. Des gars toujours attaqués dans mon coffre. Je grimpe dans la porte. Oh, tellement de grimpe, tellement de chaud. Oh, tu es avec Bozo ou Tama le chat. Le raté tronc comme le corps à Pamela. La maison de Tigo, quoi, je finis de couper ça. Sans ça m'en même pas, je suis dans tes bras. L'un des trônes ne t'y attendait pas. J'ai grandi, j'ai vaincu, j'ai chiffré. Et Barry White était si belle. Que sans maman, je dors dans sa poubelle. Les bras nous ont chiffré, tout ira bien. T'es que ce soir, réponds quand elle est dans tes chagrins. Numéro 1, on ne fait plus bien. Et des bacs aussi m'en reste pas que. La vie leur de mon roue n'a pas d'échange. Elle est fraîche, elle le sait, elle faut juste des chats. Leto, je t'avoue, je suis la queue pour les talbans. Je suis pas sûr de mettre le billet de cauchemar. Je suis dans le labo, on revient de loin. Du mal à déterminer les traits de ton visage. Je reviens mal à gars, le corps n'a plus de place. Leto, la balle bang. Leto, t'es calmé. Tout est bon. Très loin des rappeurs qui dansent à la gare. Très loin des rappeurs qui dansent à la gare. Pour les affaires, j'ai maître à guerre. Fais pas de chance, Zenegger. Où la fin sera gloire. La routine est allée, tout me faire le sac. Les combattants suivent les balles, se chauffent. Complètement taille, tout peu gueule. Je confonds la droite et la gauche, et ta charme tient. Elle veut gratter sa toque avec un nid, mais c'est qu'une guerre à Morito. Elle mérite même pas de 22 du canard. On récupère, on investit. Beaucoup trop fier pour se travestir. Gros chiffre d'affaires, gros bénéfice. Hein, j'aime de l'oseille, tu perds des amis. J'ai rodé le jour, j'ai rodé la nuit. Ouais, j'ai rodé la nuit, et quand j'ai des trous, bah je rencontre le ralice. Les bons payeurs sont rayés de la liste, et les autres, on les verbalise. Un mélange de tout passé notorious. Regarde bien mes yeux, dans ma tête, on est 12. Ils étaient pas au courant maintenant, ils savent qu'on est pas là pour rigoler. J'suis dans la caisse, entre ses cuisses. Elle est trop bonne, j'suis obligé de lui donner. Travailler plus, pour gagner plus. Sur le terrain, que des temps additionnels. J'ai caché ma puce, elle trouve que j'abuse. Je lui ai dit que je voulais devenir millionnaire. Ok.